Nous entamons maintenant notre développement de la dissertation « Suis-je le mieux placé pour savoir qui je suis ?» Première partie, je semble avoir un accès privilégié à ce qui fait de moi ce que je suis. Bon, il semble bien que je suis mieux placé qu'autrui pour savoir qui je suis. Donc, je suis une personne, c'est-à-dire comme le définit John Locke, un être pensant et intelligent, doué de raison et de réflexion, et qui peut se considérer soi-même comme soi-même, une même chose pensante en différents temps et lieux. Autrement dit, je suis un être conscient de lui-même, c'est-à-dire que j'ai accès à mes états internes qui vont s'enchaîner les uns aux autres dans mon esprit, et sur lesquels je peux opérer un retour réflexif. Ces états internes, ce sont en premier chef mes sensations, c'est-à-dire les modifications de mon état corporel, qui sont causées par des stimuli extérieurs. Et ces sensations, personne ne peut les éprouver à ma place. Moi seul sais quand j'ai mal, quelle est l'intensité de ma douleur quand je me suis fait mal. Je suis mon corps, et si les autres peuvent comparer leurs propres expériences vécues aux miennes, ils ne peuvent pas les vivre à ma place. Donc j'ai bien accès à certaines informations auquel nul autre n'a accès directement. Donc, c'est d'ailleurs au travers de cette expérience vécue que se constitue ma personnalité. Et donc celle-ci désigne l'ensemble des caractéristiques qui me distinguent de tout autre individu et qui font de moi un être singulier à part, mes désirs, mes goûts, mes croyances, mes espoirs. Donc tous ces états internes auxquels j'ai accès directement. Et ma personnalité, c'est cette combinaison de caractéristiques qui m'appartient à moi et à nul autre. Et celles-ci, ces caractéristiques, elles se sont le produit d'une histoire personnelle, d'une éducation et de la continuité d'une expérience vécue qui est conservée dans ma mémoire. Cette expérience personnelle et ces traits de personnalité, eh bien, d'une certaine façon, moi seul y ai accès de façon directe, de façon immédiate. Autrui ne peut y accéder que dans la mesure où j'accepte de lui partager, où j'accepte de lui communiquer ce que je pense intérieurement. En effet, les consciences des uns et des autres ne communiquent pas de façon directe. Je ne peux pas lire, juste en voyant autrui, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Nous n'interagissons que par l'intermédiaire de nos corps. C'est ce que soulignait Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant, parce qu'il déclarait, je cite, « Entre la conscience d'autrui et la mienne, mon corps comme chose du monde et le corps d'autrui sont des intermédiaires nécessaires. » C'est-à-dire que nous passons nécessairement par le médium de notre corps pour interagir avec autrui. Nos consciences ne sont pas en lien direct. Sinon, la citation, il est évident que la relation de mon corps avec le corps d'autrui est une relation de pure extériorité indifférente. L'âme d'autrui ne se donne pas en personne à la mienne, elle est une absence, une signification, le corps indique vers elle sans la livrer. Donc, c'est-à-dire que le corps que nous voyons d'autrui nous permet, nous essayons de l'interpréter, nous essayons d'interpréter ses gestes, nous entendons ses paroles, et à partir de ça, nous essayons d'accéder à ce qu'il pense, mais on ne peut pas y accéder de façon directe. Et de même, autrui ne peut pas accéder directement à ma conscience. C'est seulement par l'intermédiaire de mes attitudes corporelles ou de mes expressions verbales qu'il peut se faire une idée de ce que je pense, de ce que je suis. D'une perspective extérieure, au sujet lui-même, on peut donc décrire ses attitudes, on peut tenter même de les expliquer, on peut chercher les causes d'une conduite. Voilà, par exemple, je peux dire, si telle personne fait ceci, c'est probablement parce qu'il lui est arrivé cela. Mais en fait, je ne peux pas en être sûr. Je ne peux pas connaître les intentions d'une personne telles qu'elle-même se la représente si je ne peux pas lire dans ses pensées. À la limite, on peut rendre compte des processus neurophysiologiques qui se déroulent dans mon système nerveux lorsque j'éprouve telle ou telle expérience. Voilà, si on me branche des électrodes sur le crâne, on peut voir quelle partie de mon cerveau est active à ce moment-là, mais l'expérience vécue en première personne, elle est strictement privée. Hein, j'y ai accès. Le médecin, voilà, qui pourrait regarder sur mon encéphalogramme, sur l'encéphalogramme ce qui se passe dans mon cerveau, il ne saura pas ce que ça me fait. Alors, on peut faire ici faire un parallèle avec le propos de Thomas Nagel dans son article Qu'est-ce que cela fait d'être une chauve-souris? Nagel nous dit qu'il est toujours possible de décrire de façon objective la manière dont un certain être perçoit, par exemple, voilà, la manière dont la chauve-souris perçoit son environnement par écholocation, c'est-à-dire en poussant des petits cris qui se répercutent sur les objets et qui lui permettent de se repérer dans l'espace. On peut le décrire, on peut voir comment ça marche de façon objective, extérieure, mais en revanche, il est impossible de prétendre se représenter ce qu'éprouve subjectivement la chauve-souris. Pour nous représenter l'expérience vécue de la chauve-souris, nous allons toujours être obligés de faire appel à nos propres schèmes perspectives, c'est-à-dire à notre propre expérience. Nous nous représentons le champ d'expérience de la chauve-souris, par exemple, de façon visuelle, mais en fait, c'est de façon sonore qu'elle se repère dans l'environnement. Donc ça ne correspond pas à notre manière de percevoir le monde. Donc on ne pourra jamais accéder à cela. Alors évidemment, là, on a pris l'exemple d'un être complètement différent de nous. Mais à un moindre degré, on pourrait dire qu'il en va de même d'un être humain à l'autre. Alors certes, entre plusieurs êtres humains, ben, nous partageons le même système sensoriel, enfin à peu près. Bon, il y a peut-être certaines différences, voilà, il y a peut-être certaines personnes qui sont daltoniennes. Bon, en fait, mais on peut jamais savoir exactement comment autrui perçoit. Même si nous ne sommes pas, voilà, deux personnes qui ne sont pas daltoniennes, qui regardent le même objet, est-ce qu'elles peuvent être, même si voilà, elles n'ont aucun problème ni l'une ni l'autre, peuvent-elles être vraiment sûres qu'elles perçoivent la couleur de la même façon? Elles sont d'accord pour nommer le même objet rouge et reconnaître que les choses sont rouges, mais est-ce que l'expérience du rouge est la même de telle personne à telle personne? Eh bien, ça, en fait, c'est impossible de le savoir. Et donc, je ne peux jamais prétendre vivre à la place d'autrui son expérience consciente en première personne, et de même pour autrui, il ne peut pas vivre mon expérience consciente en première personne. L'expérience subjective d'une personne représente en ce sens bien une forme de connaissance. Hein, être conscient, ça permet d'avoir accès à certaines informations qui sont incommunicables aux autres, auxquelles chacun est le seul à avoir accès. Hein, moi seul sais ce que j'éprouve quand je l'éprouve. Et ça restera purement privé. Voilà, donc il semble bien, voilà, qu'il y a quelque chose dans ce qui fait partie de nous, mais nous seuls y avons accès, nous seuls avons cette connaissance-là. Mais toutefois, on peut se demander si cette conscience que l'on a de soi-même, que l'on a de nos propres états, eh bien, est-ce que c'est bien suffisant pour nous définir? Est-ce que c'est bien suffisant de partir de mes états internes pour dire qui je suis. Est-ce que la conscience, ce n'est pas toujours un point de vue partiel sur les choses? Est-ce que la mémoire, enfin, ma mémoire qui retient mes états de conscience passés, est-ce qu'elle n'est pas elle-même sélective? Est-ce qu'elle ne déforme pas beaucoup trop les états de conscience passés pour être vraiment fiable et dire qui je suis réellement? Enfin, la conscience que l'on a de ses propres états et l'idée qu'on se fait de soi-même, est-ce que ça constitue vraiment une connaissance proprement dite de soi-même?